ربنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون مع مجيء الصيف يستعد كثير من الناس للرحيل والسفر حجوزات تؤكد وتذاكر تقطع وحقائب تجهز وأموال ترصد كل ذلك للتخفف من مشاغل الحياة ومتاعبها وهذا السفر أيها الإخوة المسلمون وذلك التنقل في البلدان وفطرة فطر الله تبارك وتعالى النفس البشرية عليها ففئة تسافر للتجارة وفئة تسافر للجهاد وفئة تسافر للتعلم وفئة تسافر لأداء واجب كحج وعمرة وصلة رحم أو دعوة إلى الله تبارك وتعالى ولقد كان العرب في جاهليتهم يسافرون ويسيحون في الأرض فجاء الإسلام فزكى مبدأ السفر وقواه بل امتن الله تبارك وتعالى به على قريش حين ذكرهم بأنه هيأ لهم أسباب رحلتين عظيمتين منتظمتين إلى اليمن تارة وإلى الشام تارة أخرى قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف شخص عباد الله craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers croyants, lorsque l'été arrive, beaucoup de gens se préparent pour partir et voyager. Les réservations sont confirmées, les billets sont achetés, les valises sont fermées et des budgets sont préparés pour ce voyage. Tous ces préparatifs pour que l'homme s'allège de toutes les labeurs de la vie et ses difficultés. Chers musulmans, ce déplacement à travers les pays est une chose naturelle qu'Allah a créée dans l'âme humaine. Il y a des gens qui voyagent pour faire du commerce, d'autres qui voyagent pour étudier, d'autres qui voyagent pour accomplir le Hajj ou bien l'Umrah et d'autres voyagent pour d'autres buts. Les Arabes, avant l'islam, dans la période anté-islamique, voyageaient. C'est-à-dire le voyage n'est pas une chose qui est apparue avec l'islam. Donc les Arabes, dans la période anté-islamique, voyageaient et se déplaçaient. Puis lorsque l'islam est arrivé, il a consolidé cela. Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme bienfait aux gens de Quraysh, ou bien il leur a rappelé ces bienfaits qu'il a donné aux gens de Quraysh lorsqu'il a cité dans le Coran le fait qu'il aurait facilité deux grands voyages, un vers le Yémen en hiver et un autre vers la région de Shem en été. Allah nous dit, à cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. Ma'ashir al-Muslimin. سنتحدث في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض آداب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاصرف عني واصرفني عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم أرضني قال ويسمي حاجته رواه الإمام البخاري وقد عود النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على هذه الصلاة إذا هم أحدكم بأمر كالسفر شاب مسلم Dans ce discours, bismillah, nous allons essayer de citer quelques règles concernant le voyage et quelques comportements liés au voyage. Le premier de ces comportements, ce que l'on appelle la prière de consultation, salat istikhara, pour le voyage. Car avant de partir, tu ne sais rien de ton voyage. Est-ce que c'est un bien pour toi ou un mal ? Et malheureusement, la majorité des musulmans, si ce n'est tous les musulmans, voyagent sans accomplir la prière de consultation. Puis, lorsqu'une chose désagréable arrive, ils regrettent d'avoir voyagé. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la prière de consultation avant toutes nos entreprises, comme il nous enseignait les sourates du Coran. Il disait, si l'un d'entre vous décide de faire quelque chose, qu'il fasse de la ka'at en dehors des prières obligatoires, et qu'il dise après les salutations finales, Seigneur, je base mon choix sur ta science, et je puise ma capacité de la tienne, et je te demande en effet de ta générosité infinie. Tu es en effet capable, et je ne le suis pas. Tu sais, et je ne sais pas, et c'est toi le grand connaisseur des mondes inconnus. Ô Seigneur, si tu sais que cette entreprise est bonne pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, destine-la moi, facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Et si tu sais au contraire que cette affaire est pour moi un mal dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, écarte-la de moi et écarte-moi d'elle, destine-moi le bien où il se trouve, puis fais que j'en sois satisfait. أيها الإخوة الكرام ومن الآداب أيضا يستحب للمسافر أن يختار يوم الخميس لسفره لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس رواه البخاري فمن الناس من تساوت عنده الأيام لا سيما المتقاعدون فلئن خرج يوم الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء او يوم اخر من الاسبوع كل ذلك عنده سواء فلما نرغب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم علينا جميعا اذا اردنا سفرا ان نحاول ما استطعنا الى ذلك سبيلا ان نخرج يوم الخميس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من السنه أن نخرج باكرين في أول النهار لحديث صخر ابن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لي أو مبارك لأمتي في بكورها وكان هذا الصحابي راوي الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رواه الحديث رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله أخرجه أبو داود والترمذي شاب مسلم parmi les comportements également à adopter lors du voyage le fait qu'il est conseillé que le voyageur choisisse le jeudi pour voyager. Ka'b ibn Malik radiallahu anhu dit, c'est très rare que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait un autre jour que le jeudi rapporté par Al-Bukhari. Donc il y a certaines personnes parmi les musulmans pour qui tous les jours sont semblables, en particulier les retraités, donc ils sont liés à aucun travail, à aucune entrée, aucune sortie. Qu'ils voyagent un lundi, un mardi ou un jeudi, tout cela pour eux est la même chose. Donc pourquoi délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il faut que l'un d'entre nous, s'il désire voyager, qu'il parte ou qu'il fasse tout son possible pour sortir un jeudi en prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait également partie de la sunna, le fait de sortir de bon matin. Prouve cela le hadith de Sa'd ibn Wida'at al-Ghamidi. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Oh Allah, bénis ma communauté pour son réveil matinal. » Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une troupe ou une armée, il choisissait toujours le début de journée pour l'expédier. Et Sa'd, celui qui a rapporté ce hadith, était un commerçant, et après avoir entendu ce hadith, il envoyait toujours sa marchandise en début de journée, et ainsi il fit fortune et acquit beaucoup de biens, rapportés par Abu Daoud et Tirmidhi.